Chapitre 3e. Le père Dumazel, curé de Saint-Nicolas-de-Myre à Josier, possédait un trésor auquel il tenait par-dessus tout, une vierge prégnante du XVe siècle, grandeur nature, en bois polychrome, sculptée jadis par un artiste aveyronnais, natif comme lui de Sainte-Afrique. Malgré les soins jaloux dont il l'entourait, cette statue avait subi l'usure du temps, le bois en était fendu de haut en bas, la Vierge menaçant de se partager en deux, et les couleurs avaient tellement passé que dans la pénombre on la croyait monochrome. Sur ses propres deniers, le père Dumazel en avait confié la réparation à un sculpteur local qui avait promis d'exécuter un travail pérenne et soigné. En attendant, la niche où se trouvait la statue, habituellement adossée à une colonne, était vide. Or, en ce matin du jeudi 6 octobre 1865, qu'elle ne fut pas sa surprise en constatant que l'artisan avait rapporté la statue et l'avait remise à sa place sans le lui dire et surtout sans se faire payer. D'emblée, la contrariété le gagna en s'apercevant de loin que le sculpteur n'avait pas du tout respecté ce qui était convenu. L'ensemble de l'œuvre était brunâtre et terne, alors qu'il s'attendait à découvrir de pimpantes couleurs primaires comme celles que la statue devait avoir à son origine. En s'approchant dans l'église un peu sombre, il remarqua de plus que l'artiste avait transformé l'œuvre. Cette vierge était beaucoup plus prégnante que l'original. « Mais qu'est-ce que c'est que ce travail de cochon ?» s'écria Dumazel, furieux. « Si c'était pour faire ça, j'aurais pu le faire moi-même. » À grande enjambée, en une seconde, il fut devant la statue dont les pieds n'étaient qu'à 1 mètre du sol. Saisissant un bougeoir à portée de main, il éclaira la sculpture. Stupeur. La statue le regardait de ses yeux fixes, la tête penchée mollement sur le côté. Dumazel était doté d'un esprit pratique et solide. À aucun prix, il n'aurait cédé à la tentation du miracle. Aurait-on voulu me faire une farce? Pas avec une statue sainte, tout de même. Je ne peux pas croire que cet artisan, qui m'avait l'air sérieux, se soit amusé à cela. Et puis tout à coup, il réalisa... Il avait devant lui une vraie femme enceinte. Il s'enhardit à toucher ses habits qui étaient de vrais draps de laine. Il secoua la chose, qui s'affaissa légèrement, sans bouger son regard. Alors le père Dumazel se laissa aller à pousser un hurlement dans lequel la peur, la colère et l'épouvante se mêlaient. Il courut chez le maire, qu'il trouva boire la goutte avec le café du matin, en compagnie d'un septuagénaire qu'on appelait l'Ancien. Sans préambule, Dumazel empoigna d'abord la bouteille d'eau-de-vie et avala une bonne lampée, à même le goulot. Puis, s'étant engorgé, « Viens, Gouin, et toi aussi, l'Ancien, j'ai une morte dans mon église. » Sur les lieux, le père Dumazel ouvrit grand les portes de l'église pour mieux y voir. Puis, à pas feutrés, comme s'il avait peur de réveiller le malin, il conduisit ses hôtes près de la colonne et les laissa contempler l'œuvre. Il revint avec une lampe tempête allumée et l'attendit à bout de bras. « Vous voyez, j'ai d'abord cru que c'était la statue que j'ai donnée à réparer et puis j'ai vu ça. »« Ça, comme vous dites, mon père, je la reconnais. C'est la Marie des Arnauds, ceux du Moulin, une pauvre fille. »« Hein ?» interrogea Dumazel. « Oui, son mari l'a laissée pour partir avec les autres. Ils sont à Bordeaux, je crois, mais ils partiront certainement au Mexique. » C'est malheureux à dire, mais ça vaut peut-être mieux ainsi. Elle aurait passé toute sa vie à attendre son mari, et l'enfant n'aurait jamais connu son père. Il y en a, comme ça, qui sont laissés sur le bord du chemin. Ça vous fait réfléchir sur le poids que pèse une vie. « C'est vrai, » murmura l'Ancien d'un ton mari. « Voilà pourquoi je vous exhorte toujours à remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Lui ne vous abandonnera jamais et vous recueillera si l'on vous abandonne. « Ah oui !» rétorqua l'Ancien, un peu agacé par les sermons permanents du père. « Et elle, curé, tu crois qu'il n'a pas abandonné le Seigneur ?» Gouin, le maire, s'était approché pour observer de près le corps. « Vous avez vu qu'on a posé des fleurs à ses pieds ? Et regardez, elle est attachée au pilier par des sangles, une sous les aisselles et une aux chevilles pour l'empêcher de glisser. Allez, au lieu de faire du catéchisme, aidez-moi, nous allons la détacher et l'allonger là-bas sur un banc. » Ce qui fut fait. Bon, dit le maire, il ne faut pas compter sur les gendarmes et j'aurai meilleur temps de descendre moi-même à Barcello. Mon père, vous allez m'aider à rédiger un procès-verbal. j'ai tendance à délayer et je manque de précision. Toi, l'ancien, va prévenir la famille, mais interdis-leur de toucher le corps. Il faut qu'il reste là jusqu'à nouvel ordre. » Le maire était en effet officier d'état civil et gardien de la loi, au même titre qu'un gendarme. Les deux hommes réussirent à pondre un écrit clair et précis pour expliquer les circonstances de la mort de Marie Arnaud, sans en donner la cause, inconnue d'eux. Tout au plus, pouvait-on conjecturer que la mort n'était pas accidentelle, pas plus que la position dans laquelle on avait retrouvé la jeune femme. Gouin attela de chevaux à sa voiture et descendit vers Barcelonnette pour prévenir les autorités. Pendant ce temps, l'ancien, tout imbu de sa mission, commença une enquête pour relever les témoignages éventuels. Il en ressortit que la veille, vers 4 heures de l'après-midi, Marie était sortie pour rentrer les bêtes du pâturage et n'avait pas reparu. Depuis que son époux était parti, elle logeait seule et donc personne ne s'était inquiété. En possession du procès-verbal, le procureur, M. Beaumont de la Frache, demanda à parler au maire. Son humeur était exécrable. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Le mois dernier, c'était à Larche qu'on a dépêché une femme enceinte. Aujourd'hui, c'est à Josier. Les gens sont devenus fous de par chez vous. » Gouin se racla la gorge avant de répliquer. « Monsieur le procureur, je vous ferai remarquer que de par chez nous, c'est aussi de par chez vous, » dit-il d'une voix douce. « Non, moi je ne suis pas d'ici, » rétorqua le procureur sèchement. « C'est bien ce qu'il m'avait semblé, monsieur le procureur, » continua Gouin de la même voix mielleuse et déférente. « Je vous accorde bien volontiers que nos gens ont un passe-temps bien inhabituel et nuisible, n'est-ce pas ? Toutefois, il semblerait que ces meurtres soient le fait d'une personne étrangère à notre contrée. « Oui, je sais, » répondit le procureur d'un ton tranchant. « Ce cavalier qui semble être un hussard démobilisé ou déserteur, avez-vous donné des ordres pour le faire rechercher ?»« Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ?» s'emporta le procureur. Tout le monde l'a vu, mais personne n'en donne la même description. Ces balourdes gendarmes ont même tenté d'arrêter un capitaine de cuirassiers en mission. Vous voyez où nous en sommes. J'ai dû faire des excuses, vous vous rendez compte ? Et emporté par son élan, le procureur se mit à chanter une phrase du chant des cuirassiers. « On sent vivre et le cœur bat à l'aise. Trois fois salut au régiment de fer. » « Ah, j'ai servi en Algérie, moi, monsieur le maire. Eh bien, je vous dis que les gens y étaient plus civilisés qu'ici. Tout dépend desquels, dit à voix basse Gouin. Le maire n'avait aucune sympathie pour le procureur, un noble tout frais, fabriqué par le Second Empire, et qui avait participé à la répression des républicains opposés au coup d'État de Napoléon III. De plus, puisqu'il avait, disait-il, servi en Algérie, il était possible que Beaumont de la Frache ait encadré la déportation des condamnés. Toute chose que ne pouvait supporter Gouin, républicain dans l'âme, mais en secret. Aussi, assurant sa voix, il déclara d'un ton cassant. « Permettez-moi de prendre congé, monsieur le procureur. Je voudrais remonter avant la tombée du jour. »« Allez, allez !» dit le procureur avec un geste de la main, comme s'il congédiait un domestique. À tout hasard, Gouin passa par le cabinet du docteur Kerr. Le médecin y était et il demanda à le voir. Le maire lui proposa de lui faire l'amabilité de l'accompagner jusqu'à Josier pour non pas autopsier la défunte, mais donner son avis autorisé sur les causes de la mort de Marie. Kerr accepta bien volontiers, plus par curiosité en vérité que par respect du serment d'Hippocrate. « Vous pourrez dormir chez moi ce soir, ce n'est pas la place qui manque. Cela nous évitera de redescendre de nuit. Les chemins ne sont plus aussi sûrs qu'avant, ces temps-ci. » « Je vous raccompagnerai demain matin, à moins que vous ayez justement des malades à voir chez nous. » Au sortir du bourg, Gouin se pencha vers le docteur pour lui glisser, comme en confidence. « Ma femme a préparé des raviolis à la daube de sanglier. Vous ne serez pas venu pour rien. » Kerr secoua sa grande carcasse d'un rire bien franc qui fit tanguer la carriole. Quand le maire raconta son entrevue avec le procureur, Kerr laissa tomber. « Quel pourri ! Et ça rend la justice, ça !» Comme Gouin, il avait gardé l'âme républicaine sans jamais l'avouer. Les conclusions du docteur sur la mort de Marie furent à peu près les mêmes que celles de la mort de Gigliola. Certes, Marie avait en plus des marques sur les aisselles et aux chevilles qui provenaient du contact prolongé des sangles, mais pas de traces de strangulation ou de coups. Kerr, intrigué, remarqua quelques petits dépôts de laine accrochés aux vêtements de Marie. Sur Gigliola, il avait pu faire le même constat, avec en plus un petit bout de fil bleu, mais il ne dit rien de ses découvertes. « mon Dieu !» se lamenta le père Dumazel. « Dans quel monde vivons-nous ? » ?»« Je parierais volontiers que l'assassin est le même que celui de Gigliola. Le modus operandi est identique. Certainement un étouffement, » assura Kerr. « À moins que, » insinua Gouin, « l'assassin de Marine ait copié sur celui de Gigliola dont la mort l'a inspiré. »« C'est possible. Mais vous croyez que les gens d'ici sont si inventifs ? Quelle raison avait-on de tuer Marie ? Faire disparaître l'enfant ? Non, je ne le crois pas. Plus je réfléchis, plus je pense que les victimes n'ont aucun rapport avec l'assassin. Le seul point commun est qu'elles étaient enceintes toutes les deux. C'est donc le seul mobile apparent. » Gouin garda le silence un moment pour mieux formuler l'idée qui venait de poindre en lui. Comme s'il l'avait deviné, le curé Dumazel intervint. « Mais comment a-t-il fait pour attacher le corps ? Il devait être deux. »« Non, pas nécessairement. Je vais vous montrer, mon père. » Le docteur attacha solidement une des deux sangles à la colonne, à la hauteur supposée des épaules du père. Puis il rattacha celle mise au pied de la morte, laissant pendre les deux morceaux libres des sangles. « Vous permettez ? Laissez-vous faire. » Le docteur chargea le père sur son épaule, comme s'il s'était agi d'un fétu de paille. Puis il s'arrangea pour que les pieds du curé reposent sur le socle de la statue. Maintenant le père d'une main, de l'autre il le poussa jusqu'à ce que son dos rencontre la colonne. Il libéra une des deux mains et s'en servit pour attacher grossièrement la sangle du haut. Puis, ses deux mains étant libres, il l'assujettit solidement la sangle du bas. Il termina enfin en serrant convenablement la sangle des aisselles. Le tout n'avait pris qu'une grosse minute. « Et voilà, père Dumazel, vous voyez, ce n'est pas sorcier. Il suffit au départ d'un peu de force. Allez, nous allons vous laisser et aller déguster ces succulents raviolis. » Le docteur fit mine de partir et Gouin lui emboîta le pas. « Oh là !» se récria le curé. « On ne plaisante pas avec ces choses-là. Vous allez me détacher et vite fait !» Le docteur et le maire n'osèrent rire franchement dans l'église, et le curé fut promptement détaché. Toutefois, l'incident ne lui avait pas fait perdre le cours des choses. « Ah, des raviolis ? » interrogea-t-il. Après un clin d'œil de connivence au médecin, le maire ne put faire autrement que d'inviter le prêtre à partager le dîner. L'ancien était lui aussi de la partie. Sans famille, il était souvent accueilli à la table du maire et mangeait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre et rarement chez lui. Selon la coutume des pays alpins et de la paysannerie, Mathilde, la femme du maire, et sa fille Augustine restèrent debout près de la grosse cuisinière de fonte pour servir leurs hôtes. Dès que Gouin les avait prévenus, elles avaient avalé vite fait quelques bouchées avant tout le monde pour pouvoir être disponibles. Puis elles se réfugièrent près du comptoir où elles se tinrent debout prêtes à servir les hommes.